Sampachana clear comprehension. Kochara Sampachanya, the clear comprehension of yogis domain. Yogis have to live their domain, that is the four foundations of mindfulness, mindfulness on the body, mindfulness on the feelings, mindfulness on the consciousness, mindfulness on the Dhamma. Sampajana, la claire compréhension. Gochara Sampajana, la claire compréhension du domaine du yogi. Le yogi doit vivre dans son domaine. Le domaine du yogi, ce sont les quatre établissements de l'attention. L'attention au corps, l'attention aux sensations, l'attention aux consciences et l'attention au Dhamma. Toutes les activités physiques devront être observées. Toutes les sensations devront être observées. Toutes les consciences devront être observées. Et dès qu'il verra, qu'il entendra, qu'il sentira, qu'il goûtera, qu'il touchera ou qu'il pensera, le méditant devra observer ces phénomènes. C'est de cette façon que le yogi vit dans son domaine. S'il réussit à vivre dans son domaine, Asamoha Sampajana, la claire compréhension non illusionnée va spontanément se manifester. Le yogi comprendra clairement, à fond, il n'y aura plus de confusion dans son esprit, tout simplement parce qu'il verra très clairement. Hier, je vous ai expliqué les paroles du Bouddha. Lorsqu'il effectue un mouvement vers l'avant, le yogi doit être pleinement attentif. Lorsqu'il effectue un mouvement vers l'arrière, le yogi doit être clairement attentif. En d'autres termes, le yogi doit appliquer la claire compréhension. Je vais poursuivre mon enseignement aujourd'hui à ce sujet. Les yogis s'efforcent de développer l'attention en notant les différentes phases du pas lors de la marche. Ils font une note à chaque pas, ils font deux notes à chaque pas, ils font trois notes à chaque pas. À force d'observer ainsi les phases du pas, leur attention se développe et devient puissante. Au moment où il fait trois notes à chaque pas, l'attention du méditant est très développée. Il note avec beaucoup de précision et il est même capable de voir l'intention qui apparaît avant que le mouvement n'ait lieu. Hier, je vous ai expliqué comment un méditant dont l'attention est développée peut voir l'intention qui précède le mouvement. À la fin du mouvement d'élévation du pied, l'intention d'avancer le pied va se manifester et ensuite seulement le mouvement d'avancement. À la fin du mouvement d'avancement, le yogi voit l'intention d'abaisser le pied avant que ce mouvement n'ait lieu. Le yogi voit donc ces deux phénomènes séparément, il voit d'abord l'intention et ensuite le mouvement. L'intention est un phénomène mental, le mouvement est un phénomène physique. Le yogi est capable de voir ces deux phénomènes séparément. Il voit qu'ils sont séparés l'un de l'autre. Il voit que s'il n'y a pas d'intention, le mouvement ne peut pas avoir lieu. L'intention, c'est donc un phénomène mental, c'est l'esprit. L'esprit est très rapide, mais grâce à son intention qui est devenue puissante, le yogi la voit clairement, il n'y a pas de confusion dans son esprit. Si nous ne recevons pas les bonnes instructions, nous ne saurons pas comment noter. Nous recevons donc et on nous demande de noter l'intention. Parfois, on demande de noter l'intention avant de lever le pied, avant de l'avancer et avant de l'abaisser. Mais en fait, il vaut mieux ne noter l'intention qu'au moment où nous nous apprêtons à lever le pied. Il ne faut plus la noter au moment où on avance le pied et au moment où on abaisse le pied. L'intention est un phénomène mental très rapide. Vous devez donc la noter au moment où vous vous apprêtez à lever le pied. Vous notez intention de lever le pied, vous observez le mouvement. Mais si vous deviez noter l'intention avant d'avancer le pied, il faudrait que vous vous arrêtiez. Or, le mouvement se produit spontanément à la fin du mouvement d'élévation du pied. Vous n'avez donc pas le temps de noter cette intention. Il ne faut donc pas la noter. Mais lorsque votre attention sera devenue puissante, vous en serez conscient, même si vous ne la notez pas délibérément. Vous pourrez voir plus que trois mouvements lorsque vous pratiquez la marche. Vous verrez le mouvement d'élévation, le mouvement d'avancement, le mouvement d'abaissement, le fait de presser le pied sur le sol. On vous demande de faire trois notes à chaque pas, mais lorsque votre attention sera devenue puissante, vous pourrez voir au moins six mouvements et même encore plus. L'essentiel, c'est de comprendre que plus l'attention se développe, plus la vision est claire, plus le méditant voit à fond, il n'y a pas de confusion dans son esprit. Si vous êtes très attentif au moment où vous pratiquez la marche, que vous observez avec précision, vous serez satisfait de votre pratique. Même si vous ne réussissez pas ou si vous ne répétez pas mentalement « ceci est l'esprit, ceci est la matière », vous avez cependant réalisé ces choses directement dans votre pratique. Vous ne voyez jamais en vous que deux choses au moment où vous marchez, des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Le mouvement, c'est la matière, l'esprit qui note, c'est l'esprit. Mais si vous n'êtes pas attentif, si votre attention n'est pas devenue puissante, vous ne pourrez pas dépasser le concept. Lorsque vous marcherez, vous penserez encore que c'est vous qui marchez. Vous n'aurez pas réussi à éradiquer le concept du « je ». Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui marche. Si par contre vous êtes très attentif, lorsque vous marchez, vous réaliserez qu'il n'y a jamais que deux choses, le mouvement et l'esprit qui note. Le mouvement, c'est le phénomène matériel, l'esprit qui note, c'est le phénomène mental. Vous détenez alors la claire compréhension. Vous voyez clairement l'intention au moment où vous vous apprêtez à lever le pied, à l'avancer et à l'abaisser. Deux phénomènes séparément, le phénomène mental de l'intention et ensuite le phénomène physique du mouvement. Vous voyez que l'intention est une chose et que le mouvement est autre chose. Vous voyez également qu'à cause de l'intention, le mouvement se produit. Vous réalisez ainsi les causes et les effets. Vous voyez clairement qu'il n'y a personne à l'intérieur de vous qui provoque ce mouvement. Que la seule chose qui provoque ce mouvement, c'est l'intention. L'intention va provoquer un mouvement de l'air, et le pied va s'élever, s'avancer et s'abaisser. Vous détenez alors la claire vision, vous comprenez clairement. Mais si vous ne réussissez pas à voir clairement, comprendre clairement, vous continuerez à croire qu'il y a à l'intérieur de vous une personne, un atta, une âme, un ego, qui gouverne ces choses, qui ordonne de lever le pied, de l'avancer et de l'abaisser. Maintenant que vous avez une forte attention, vous êtes en mesure de voir que cette personne n'existe pas, qu'il n'y a à l'intérieur de vous que l'intention qui propulse le pied vers le haut, vers l'avant et vers le bas. Si vous réussissez à noter très attentivement, vous pourrez voir toutes sortes de sensations. Vous verrez les muscles qui bougent, vous verrez des tensions, des vibrations, des picotements. Vous êtes devenu très conscient. Vous êtes capable de voir, de ressentir l'élément air. Vous voyez, vous ressentez, vous comprenez que l'élément air fait bouger le corps. Vous voyez clairement toute une série de mouvements qui sont provoqués par l'élément air. Si donc, pendant la marche, vous comprenez à fond, vous êtes attentif à chaque pas, sans penser. Si vous réalisez clairement le Dhamma, vous pourrez atteindre l'illumination. Il est possible d'atteindre l'illumination pendant la marche, car si vous travaillez de façon très attentive, votre esprit sera libre des impuretés. Il n'y aura aucun désir sensuel, aucune colère, aucune aversion, aucune agitation, aucune torpeur, aucune somnolence, aucune confusion. Votre esprit sera pur et clair. Un esprit pur et clair voit les choses telles qu'elles sont réellement. Si vous regardez un étang et qu'il y a de la moisissure à la surface, même si l'eau, si votre œil, si votre faculté visuelle est bonne, Vous ne verrez pas le fond, vous ne pourrez pas voir les poissons ni les pierres. Si l'eau est sale, vous ne voyez pas. Mais si l'eau est propre et que votre faculté visuelle n'est pas bonne, vous ne pourrez pas voir non plus. C'est la même chose en méditation. Lorsque l'esprit est clair, il est possible de voir clairement. Vous observez le corps et l'esprit, et petit à petit, votre vision s'éclaircit. Vous êtes capable de voir clairement l'intention et le mouvement. La marche est très importante. Il n'y a d'ailleurs pas que la marche qui est importante, les activités quotidiennes le sont également. Mais comme nous parlons de la marche, lorsque vous la pratiquez, vous devez savoir qu'il est possible par la marche de percevoir clairement le Dhamma. Ananda, qui était le cousin du Bouddha et en même temps son intendant, en était resté au stade de Sotapanna. Il n'avait pas encore atteint l'état d'arhat. Le Bouddha l'encourageait à persévérer dans sa pratique car il savait qu'Ananda avait les paramis et qu'il pouvait comprendre le Dhamma. Au décès, après la mort du Bouddha, les moines se réunirent en un premier concile sous la direction de Mahakassapa. Lorsque le moine mourut, les moines qui n'étaient pas encore devenus ni des anagamis ni des arhats, les moines donc Putujana comme les Sotapanna, pleuraient car ils avaient encore des impuretés en eux. Un moine dit alors à ces moines Putujana qui pleuraient qu'ils ne devaient pas se lamenter. Le Bouddha était mort, or de son vivant, le Bouddha leur imposait toujours toutes sortes de règles de discipline. Il n'était pas autorisé à faire ceci, il n'était pas autorisé à faire cela. Il ne fallait donc pas pleurer parce que le Bouddha était mort. Kassapa Thera se rendit compte qu'il y avait danger pour l'avenir du sasana, l'enseignement du Bouddha. Il eut une espèce de sentiment d'urgence. Il fallait que la Sangha se réunisse pour définir et préciser les enseignements du Bouddha. À l'époque, la plupart des moines étaient des arhats. Kassapa Thera choisit donc 499 arhats pour participer au concile et il réserva la dernière place à Ananda. Ananda n'était pas encore un arhat, mais il était indispensable pour le concile étant donné qu'il connaissait tous les enseignements du Bouddha. Il connaissait les 84 000 enseignements du Bouddha. Ce premier concile était très important car il s'agissait de rassembler tous les enseignements du Bouddha. Mais pour y participer, il fallait être un arhat. Kassapa Thera rassembla donc 499 arhats et réserva la dernière place pour Ananda, qui était indispensable mais qui n'était encore que Sotapanna. Il demanda alors à Ananda de pratiquer intensivement. Il n'y avait plus qu'une nuit avant le concile. Ananda se mit donc à pratiquer la marche très intensivement pendant toute la nuit. Ananda se mit donc à pratiquer de façon intensive pendant toute la nuit, sans prendre de repos, dans l'espoir d'atteindre l'état d'arhat. C'était très important pour lui et c'était très important pour la Sangha. Il pratiqua donc avec effort pendant toute la nuit. À un moment, il réalisa que son effort était démesuré, qu'il fallait le réduire. Il se dirigea alors vers son lit et pencha le corps pour se coucher. Avant que sa tête n'ait atteint l'oreiller, il atteint l'état d'arhat. Il n'était donc ni en posture assise, ni en posture couchée, ni en posture debout, ni en marche. Une autre histoire est celle de Subhadra Thera. Ce Subhadra Thera n'était pas bouddhiste, mais il était dans la confusion. On lui avait dit que seul le Bouddha pourrait lui apporter la réponse à ses questions. Juste avant le parinibbana du Bouddha, Subhadra Thera se présenta donc devant lui. Ananda essaya de l'arrêter, mais il était très important pour Subhadra Thera d'avoir les instructions du Bouddha. Pour résumer l'histoire, le Bouddha lui donna les instructions pour la méditation et il ne fallut que très peu de temps à Subhadra Thera pour atteindre l'état d'arhat par la marche. La marche est donc une forme de méditation très importante. Nous devons la pratiquer très sérieusement. Une autre recommandation du Bouddha, c'est que lorsque le yogi regarde devant lui, lorsque le yogi regarde sur le côté, il doit le faire avec la claire compréhension. En principe, le yogi doit garder le regard dirigé vers le bas lorsqu'il se déplace. Les yeux sont en effet très sensibles et peuvent amener toutes sortes de pensées. Nous devons donc essayer de garder le regard dirigé vers le bas. Mais s'il devait nous arriver malgré tout de regarder ou de voir quelque chose, nous devons le faire en notant attentivement, voir, voir, regarder, regarder. Nous devons noter attentivement. Nous avons alors la claire compréhension. En posture assise, nous gardons les yeux fermés. Mais si malgré tout, nous voyons quelque chose en imagination, nous devons noter, voir. Pendant la marche, si nous voyons quelque chose, si nous regardons quelque chose, nous devons également noter, voir, voir, regarder, regarder. Nous ne devons pas oublier de noter. Il est possible de réaliser l'esprit et la matière, les causes et les effets, les trois caractéristiques des phénomènes lorsqu'on note, voir, voir, regarder, regarder, exactement comme il est possible de réaliser ces choses pendant la marche. Si vous voulez noter en détail, notez l'intention de regarder avant de regarder, si vous la voyez. Vous notez donc intention de regarder, et ensuite regarder, regarder. Vous voyez ainsi l'objet visible lorsque vous regardez. Ceci, c'est regarder avec attention. Si vous regardez avec attention, vous pourrez comprendre l'esprit et la matière, vous pourrez comprendre les causes et les effets. Pourquoi voyez-vous l'objet? Parce qu'il y a l'œil et la conscience visuelle. S'il n'y avait pas d'objet visible, il ne serait pas possible de voir quoi que ce soit. S'il n'y a pas la lumière, il ne sera pas non plus possible de voir quelque chose. L'œil et l'objet visible font naître la conscience visuelle. Lorsqu'il y a la conscience visuelle, vous notez « voir ». Voir. La conscience visuelle, c'est l'esprit, l'œil et l'objet visible, c'est la matière. Vous réalisez ainsi l'esprit et la matière lorsque vous notez voir, voir. Au moment où vous vous apprêtez à regarder, si vous notez intention de regarder, et ensuite regarder, regarder, vous allez également réaliser les causes et les effets. Si vous notez ainsi, attentivement, vous pourrez voir que l'image disparaît. Plus vous notez, mieux vous voyez que tout change à chaque instant. L'objet change, l'esprit qui note change. Vous voyez que ces deux choses, la matière et l'esprit, sont des phénomènes séparés. Et lorsque vous devrez étirer le bras ou le ramener, vous devrez également le faire avec la claire compréhension. Il n'est pas nécessaire d'étendre volontairement la main, mais il se peut que pendant la méditation, vous ayez par exemple une démangeaison. Vous allez alors vouloir vous gratter. Vous devez le faire avec la claire compréhension. Vous notez d'abord l'intention de ramener la main, intention de ramener la main, ensuite le mouvement, vous notez le mouvement, bougez, bougez, ensuite vous allez vous gratter, mais avant de vous gratter, vous devez voir l'intention de vous gratter, vous notez cette intention, et ensuite seulement vous notez le mouvement qui consiste à vous gratter. Lorsque vous vous êtes gratté, que la démangeaison a disparu, vous devez noter l'intention de réétendre le bras, et ensuite seulement le mouvement du bras. De cette façon, vous réussirez à comprendre clairement. That's enough for today. May you be well, happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently, ardently. Then may you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nirvana. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Puissiez-vous tous être heureux et en paix. Puissiez-vous tous être capables de pratiquer la méditation de façon assidue et ardente. Puissiez-vous tous comprendre clairement le Dhamma et réaliser Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.